بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous poursuivons inshallah l'explication du texte Umdat al-Fiqh de l'imam al-Muwaffaq ibn Qudamah al-Maqdisi. On avait donc entamé Kitab al-Tahara, le livre concernant la purification. On avait débuté Bab al-Ahkam al-Miyah, la porte concernant les règles des eaux. On s'est arrêté à la parole de l'auteur. Si jamais cuisiné dans de l'eau quelque chose qui n'est pas tahour, ou bien qu'elle lui est mélangée et qu'elle prend le dessus au point de lui enlever son nom, ou bien que l'eau est utilisée pour enlever un hadath, alors il perd sa tahouriya, ou bien souliba tahouriyatu. Donc il restait le reste du chapitre à partir de وَإِذَا شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ نَجَسَتِهِ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ. Ça, on ne l'avait pas expliqué. Donc on va réviser rapidement ce qu'on avait vu lors du dars dernier بِإِذْنِ عَزَّ وَجَلْ en forme de questions-réponses. Les frères essaient de participer inshallah et ensuite on poursuit l'explication. Donc le شِيْخ dit خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا. L'eau a été créée tahour. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et quelle est la preuve de cela? Qui peut répondre? L'eau est créée tahour. Qui peut donner une explication brève de cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire tahour? Qu'est-ce que veut dire l'expression tahour? Elle est pure et elle est purificatrice. Ça veut dire qu'elle est pure et purificatrice. Naam. Est-ce que c'est la base dans l'eau ou bien c'est une caractéristique secondaire? C'est la base. خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا. L'eau a été créée ainsi, tahour. Quelle est la preuve de cela? Même sans dire les endroits du Coran, mais au moins les versets. Quelle est la preuve de cela? Toute chose demande une preuve. Quelle est la preuve que l'eau à la base, elle est tahour? Et qu'elle n'est pas najissa, qu'elle n'est pas impure par exemple? وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre du ciel une eau tahour. D'accord? Surat al-Furqan. يطهر من الأحداث والنجاسات. Cette eau, elle purifie des ahdath et des najasat. Qu'est-ce qu'un hadath? Qu'est-ce qu'un hadath? L'impureté notionnelle. Voilà, c'est une impureté notionnelle, na'am. Elle est de deux catégories, lesquelles? Petit et grand. Voilà, le petit hadith, le grand hadith. Le petit hadith, qu'est-ce qu'il implique? Qu'est-ce qu'il annule? La petite purification. Le grand hadith, qu'est-ce qu'il annule? Il annule les grandes ablutions. Il annule les grandes ablutions. La grande purification. Wal najasat, c'est quoi les najasa? La najasa, c'est quoi? En français, si on devait traduire, c'est l'impureté. Al-Hadath aussi, c'est l'impureté. L'impureté matérielle. Et la preuve de cela, c'est en réunissant donc que la preuve que l'eau tahour purifie de Al-Hadath et Al-Najasat, on l'avait pris du verset d'Al-Furqan, selon lequel l'eau qui est descendue est tahour, et le verset de Surat Al-Anfal, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ et il fait descendre du ciel une eau afin de vous purifier par celle-ci. Donc l'eau est tahour et elle purifie donc des ahdath et des najasat, des impuretés notionnelles et matérielles. Qu'est-ce que duqullah? Qu'est-ce que duqullah? C'est quoi? C'est un volume d'eau, hein? C'est un volume d'eau. Voilà. Qui équivaut à environ 270 ou 307 litres. D'accord. Donc, qu'est-ce que vient faire ce volume dans ce cours-là? Pourquoi est-ce qu'on parle du volume de Dukullah? C'est en lien avec quoi? C'est en lien avec l'impureté de l'eau. Donc, de manière précise, une expression qui rassemble l'idée de cette notion. Pourquoi les Hanabila, les Shafi'i parlent de Qulla? Hanabila et les Shafi'i. Si le volume d'eau est, ça c'est le début de la phrase. Si le volume d'eau est supérieur à 2 Qulla, alors la pureté insérée dans ce volume d'eau ne rend pas impur le volume d'eau. Et en revanche, si le seul plus de bout d'urine tombe dans le volume inférieur à 2 Qulla, alors cette eau est considérée comme impure. Bon, la limite différenciatrice entre de l'eau de gros volume et de petit volume, c'est donc 2 qulla, 270 ou 307 litres. Si jamais l'eau est en deçà, donc en dessous de 2 qulla, de 307 litres, chez les Hanabila et les Shafi'i, le simple contact à une impureté rend impure toute cette eau. Et si l'eau équivaut à 2 qulla ou bien plus, bien son volume est supérieur à 2 qulla, alors l'eau ne devient pas impure jusqu'à quoi? Quel changement de trois statuts, l'odeur, la couleur. Jusqu'à ce qu'il y ait changement, soit de la couleur, soit du goût, soit de l'odeur. Soit des deux ou trois. Donc pas obligatoirement les trois. Un, deux ou trois des caractéristiques. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait pris comme avis, nous? Est-ce qu'on avait choisi ça? Qu'est-ce qu'on avait choisi comme avis? La deuxième partie, que tant qu'il n'y a pas changement de caractéristiques, qu'il n'y a pas de volume différenciateur entre l'eau importante ou pas importante, c'est-à-dire que l'eau, du moment qu'elle change de caractéristique, elle devient pure, donc tahir, ou bien najissa, simplement par le changement d'état. Donc par le changement d'une de ses caractéristiques, de deux ou de trois. Donc l'eau tahour donc, peut changer donc, d'état et passer à une autre catégorie. Donc on a deux autres catégories, lesquelles? Tahir, l'eau pure. Et l'eau najis, l'eau impure. Donc on a trois catégories d'eau. Lesquelles, si on reprend? Tahour. Donc explique, tahour c'est quoi? Voilà, pure et purificatrice. Et si on dit al-baqi ala asli khilqati, c'est celle qui est encore à son état originel. Donne-nous des exemples d'eau tahour. L'eau du robinet, à la base, hein, l'eau du robinet, oui, l'eau de bouteille, l'eau minérale, l'eau des puits, l'eau de pluie, l'eau des puits, l'eau de mer. C'est l'eau comme Allah l'a créée à la base. Avant qu'il y ait intervention humaine ou autre et qui vont changer l'état de l'eau. Cette deuxième catégorie d'eau, c'est l'eau tahir, qui est pure, mais pas purificatrice. Quand tu dis pas purificatrice, sois précis. Il y a l'avis de l'auteur et il y a notre avis. Enfin, quand je dis notre avis, c'est l'avis d'autres savants. Nous, on n'a aucun avis de manière indépendante dans notre modeste cercle. Donc ça, maintenant, nous permet plus de faire les ablutions. Ça, c'est une expression un peu... Monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, on a des expressions qui nous permettent de ne plus parler comme ça. Elle permet de retirer le hadath. Hadath. D'accord. Donc, l'eau tahir pure n'est pas purificatrice. Donc, elle n'est pas purificatrice par rapport à l'enlèvement du hadath. Elle ne permet pas d'enlever le hadath. Petit et grand. Ou bien que le petit ou que le grand. Donc, voilà. On ne peut pas enlever le petit hadath. Donc, faire ses ablutions avec. On ne peut pas enlever le grand hadith, faire son roussel, son bain rituel avec. Et concernant l'enlèvement du khabeth, c'est-à-dire le lavage des impuretés, sur le corps, sur le vêtement, sur le sol, sur toute chose. On peut avec l'eau tahir. D'accord. Donc si on a une assiette dans laquelle il y a du vin, est-ce qu'on peut laver cette assiette-là avec une eau dans laquelle on a mis de la menthe et qui a pris le goût de la menthe, par exemple? Est-ce qu'on peut enlever ce vin-là avec l'eau qui a le goût de la menthe, l'odeur de la menthe? Chez l'auteur, non. Il faut obligatorement une eau tahour. Mais biznillah, on peut, bihaoulillah azzawajal, parce qu'on avait dit quoi? Voilà, il n'y a pas vraiment de délil imposant l'eau tahour. Et aussi la najasa, c'est une notion physique. Donc lorsqu'il y a présence donc de la matière, il y a présence de najasa. Lorsqu'il y a disparition de la matière, il y a disparition de la najasa et la matière disparaît par l'eau tahour. D'accord. Voilà, troisième catégorie d'eau, l'eau najissa, impure. L'eau impure donc est impure en elle-même et ne purifie pas, et aussi elle ne permet pas donc d'enlever ni hadeth ni khabeth, ni impureté notionnelle. On ne peut pas faire ses petites ablutions avec, ni son bain rituel, et on ne peut pas non plus enlever les impuretés car elle est une impureté en elle-même. D'accord. Concernant l'eau utilisée pour faire ses ablutions, ce qu'on appelle al-ma'u al-musta'mal fi raf'i hadath, l'eau utilisée pour enlever le hadath. Qu'est-ce qu'on veut dire par eau utilisée pour enlever un hadath? Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est quelle eau? Matériellement, physiquement, c'est quelle eau par rapport à l'action des ablutions de quelqu'un ou de son roussel? C'est l'eau qui est sur son corps, l'eau qui dégouline de son corps, l'eau qui reste dans son récipient. Voilà, c'est l'eau que l'on récupère et qui découle de ses membres. Donc lorsque quelqu'un fait ses ablutions, l'eau qui coule de ses mains, l'eau qui coule de son visage, l'eau qui coule de ses pieds, etc. Donc si cette eau-là était tahour, l'eau utilisée était tahour, est-ce qu'elle perd sa tahouria? Est-ce qu'elle perd sa qualité de tahour? Non. Selon l'auteur, oui. On a dit que non. Il n'y avait pas de preuve claire par rapport à cela. D'autres savants disaient que la tahouria n'est pas perdue. C'est la vie qu'on avait choisie. Donc il ne faut pas comprendre par l'eau utilisée l'eau qui reste dans le récipient. L'eau qui reste dans le récipient, elle est utilisable. Oui, elle est réutilisable selon la vie qu'on a choisie. Et si jamais donc l'eau est mélangée à un tahir au point que celui-ci prend son nom, ça c'est une expression du shirk, qu'est-ce qu'on voulait dire par cela? Donnez-moi un exemple de tahir mélangé à de l'eau au point qu'il prenne le nom, c'est-à-dire la nomination de l'eau. Il lui prend sa nomination, c'est-à-dire qu'on ne peut plus appeler ça de l'eau. Voilà, si on met du sirop dans de l'eau, dans une bouteille d'eau de 2 litres, on met du sirop. Bon, si on met une goutte de sirop à la menthe, je ne pense pas que la bouteille va devenir verte et que même cette eau-là va prendre le goût. Donc ça reste de l'eau. Tant que l'une des trois caractéristiques ne change pas, ça reste de l'eau tahour. Si on met une quantité de sirop qui fait changer à l'eau sa couleur, ou bien son odeur, ou bien son goût, ou bien les trois, ce sera les trois sûrement avec du sirop, que devient cette eau? Et tahir. Est-ce qu'on peut l'appeler encore de l'eau? Non. Et quand on dit que l'eau perd sa nomination, il y a ici deux sous-catégories. Il y a l'eau qui perd sa nomination de manière totale. L'eau donc dans laquelle on met de la menthe par exemple et du thé et qu'on fait bouillir et qui devient du thé. Ça on ne dit pas c'est de l'eau avec un adjectif derrière ou une caractéristique. On dit c'est du thé. On dit que c'est du thé. Cette catégorie-là, tous les savants, donc disent qu'on ne peut pas enlever le hadith avec. On ne peut pas faire ces petites ablutions ou bien son rousse. Et les savants qui disent qu'il n'y a que de l'eau tahour et de l'eau najis dans le monde, l'eau tahir n'existe pas, comme c'est l'avis de certains, minoritaires. Mais aujourd'hui, c'est un avis qui est quand même assez majoritaire, notamment dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, chez les savants du Sharq. Ils prennent cet avis-là, selon lequel il n'y a que de l'eau tahour et de l'eau najis. Ils disent que cette eau n'est plus de l'eau. Donc on ne peut plus la catégoriser, dire que c'est soit tahour, tahir ou najis. C'est plus de l'eau, c'est du thé. De l'eau dans laquelle on met du café, qu'on fait bouillir et qui devient noir avec le goût connu du café, c'est plus de l'eau, c'est du café. Donc on ne peut pas parler de catégorie. Et donc pour ces savants-là, l'eau donc, dont la couleur, le goût, l'odeur change un peu, mais qu'on appelle encore cela de l'eau, ils disent que c'est toujours une eau tahour. C'est toujours une eau tahour. Donc une eau dans laquelle on mettrait un peu de jus d'orange qui prendrait le goût de l'orange. Et si on posait la question à quelqu'un, on lui dit c'est quoi ça? Il dit c'est de l'eau. Il dit c'est de l'eau. Même si une des trois catégories a changé, pour eux, pour ces savants-là, ce n'est pas une eau qui est tahir, car elle est inexistante, cette catégorie pour eux. Nous avons dit qu'elle est existante, même si les deux avis se valent. Mais on reste dans le camp de la majorité, par sécurité, voilà, il m'aïn d'Allah. Donc, concernant notre avis, quand on parle d'eau tahir, il y a deux sous-catégories. Donc celle qui a perdu son nom comme étant de l'eau, comme le thé, le café, ça reste de l'eau tahir. Et il y a celle qu'on va appeler de l'eau, mais qu'on ne peut pas appeler de l'eau comme ça de manière indépendante, qui est par exemple l'eau de rose. De l'eau sucrée, de l'eau. Quand on va te dire qu'est-ce que c'est que ça, tu vas pas dire de l'eau point. C'est de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger. Par exemple, l'eau de fleur d'oranger, c'est une eau avec laquelle on peut enlever le hadith, chez les savants qui disent qu'il n'y a que deux catégories. Et un des hadiths montrant l'existence du tahir, c'est le hadith où les sahaba radiyallahu anhum ont questionné le prophète alayhi salatu wassalam sur l'eau de mer. Lorsqu'ils ont dit, on a très peu d'eau avec nous, lorsqu'on part en mer, si on fait les ablutions avec, on aura soif. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Est-ce que c'est pour demander que c'est une eau najissa, une eau impure? Non. Ils savent très bien que cette eau est pure. Les gens s'en servent et que ils mangent le poisson, ils mangent les animaux qui sortent de cette eau-là. Donc c'est certain que les compagnons ne demandaient pas est-ce qu'on peut faire nos ablutions avec l'eau de mer, parce qu'elle est éventuellement najissa. Ça c'est certain que c'était pas ça la question. Mais qu'est-ce qui les a amenés à poser cette question-là? C'est que cette eau se différencie de l'eau commune existante par l'odeur, elle a une autre odeur, par le goût, elle est salée, et peut-être pas la couleur. Donc c'est cette différenciation-là qui les a mis dans le doute. Est-ce que cette eau-là entre dans le tahour, hein, dans l'eau communément présente autour de nous? Wallah. Donc on poursuit, Inch'Allah, l'explication du texte du Cheikh Rahimahullah, qui dit وَإِذَا شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. Et si il doute, donc il, l'individu, homme ou femme, si la personne doute au sujet de la pureté de l'eau, ou bien d'autres choses que l'eau, la pureté d'un vêtement, la pureté d'un ustensile, la pureté de toute chose, أو نجاسته, ou bien qu'il doute au sujet de son impureté, بنى على اليقين, il fonde son avis sur la certitude. Donc cette phrase-là, elle est importante que le Cheikh a apportée, car elle va se baser sur une règle générale de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui montre donc la facilité de cette sharia, et notamment son côté pratique et simple. Que dit le shir? Donc si une personne doute au sujet de la pureté d'une eau, il a une eau et il doute, est-ce que cette eau est pure ou est-ce qu'elle est impure? Ou bien au sujet d'une autre chose, il a un vêtement, il doute, est-ce que ce vêtement est pur ou bien est-ce qu'il comporte une impureté? Il doute au sujet de son impureté. Bana ala al-yaqin. Il fonde sur la certitude. Qu'est-ce qu'on veut dire par fonder sur la certitude? Il fonde son avis sur l'état précédent, l'état originel, ou bien original, dans lequel était soit cette eau, soit ce vêtement, soit cet ustensile. Donc on donne l'exemple d'une eau. La personne a devant lui un seau d'eau. Et il sait que cette eau qui est dans ce seau-là, il a pris du robinet. Il y a une demi-heure, par exemple, il y a une heure ou autre. Donc cette eau, quelle est sa base? Quelle est la certitude par rapport à cette eau? C'est qu'elle est tahour à la base. Mais entre-temps, il y a un événement qui l'a mis dans le doute. Est-ce que cette eau est tahour ou est-ce que cette eau est najis? Et la personne donc n'a pas de caractéristiques lui permettant de différencier cette eau, est-ce qu'elle est tahour ou est-ce qu'elle est najis. Et moi je voudrais que par rapport à ça, vous fassiez une remarque. Quand est-ce qu'il va y avoir non-différenciation de l'eau? Par rapport à quel madhhab? Par rapport au madhhab Hanbali et Shafi'i. Parce qu'en deçà des deux koulas, ils ont cette problématique. Et par rapport à la vie qu'on a choisi, nous on a soit la couleur, soit l'odeur, soit le goût qui va nous permettre de différencier. C'est pour ça qu'on va avoir un grand nombre de cas ici, de situations, qui ne vont pas entrer quasiment dans la pratique de quelqu'un ayant choisi la vie qu'on a adoptée. Qui est le fait que si l'une des trois caractéristiques de l'eau, odeur, goût ou couleur change, alors l'état de l'eau change aussi. Donc si la personne a un seau d'eau et qu'il ne sait pas qu'il est tahour ou bien tahir ou bien najis, qu'est-ce qu'il fait? Il fonde son avis sur l'état certain de cette eau avant l'événement qui est venu éventuellement changer son état. Donc dans le cas qu'on a dit, c'est une eau qui est tahour. Car l'eau était tahour, donc ça c'est la base, et on a le doute sur le fait qu'elle ait changé d'état pour devenir najissa, pour devenir impure. Donc on rejette l'incertitude, le doute, et on se fonde sur la certitude. De même pour un vêtement. Si j'ai un vêtement, donc je sais qu'à la base il était pur, je l'ai acheté neuf. Donc la base dans les vêtements neufs, c'est la pureté. Ou bien je sais que je l'ai lavé il y a une heure. Et entre temps, un événement fait que je doute, est-ce qu'une impureté a touché ce vêtement-là. Donc par exemple, quelqu'un a uriné près d'un vêtement et éventuellement cette urine aurait éclaboussé sur ce vêtement. Éventuellement, je dis bien, donc la personne n'est pas sûre. Un enfant ou autre, ou quelqu'un ne connaissant pas la sunna, aurait uriné à côté de ce vêtement-là, et ce vêtement aurait éventuellement reçu des éclaboussures d'urine. Alors qu'est-ce que je dis? Par précaution, je le lave. On ne sait jamais, peut-être qu'il a reçu des gouttelettes d'urine. Si jamais je ne suis pas sûr que l'urine a touché ce vêtement-là, quelle est la base de ce vêtement? C'est qu'il était pur, car je l'ai acheté neuf, ou bien je l'ai lavé, on a dit il y a une heure. Je suis certain qu'il était pur à un moment. Et là, j'ai l'éventualité qu'il y ait eu contact avec l'urine, mais je n'en suis pas sûr. Donc je rejette cette incertitude, ce doute-là, et j'attribue donc à ce vêtement-là la certitude, c'est qu'il est donc pur. De même pour un ustensile. Si un ustensile était pur à un certain moment, je l'ai acheté neuf, je sais qu'il était lavé à un moment, et qu'entre-temps j'ai le doute Je le doute sur une éventuelle impureté qui aurait été en contact avec celui-ci. Donc je rejette l'incertitude et je fonde toujours mon avis sur la certitude. Donc il a dit, si jamais quelqu'un doute au sujet de la pureté d'une eau ou bien d'autre chose que l'eau, ustensiles, vêtements, peu importe, quoi que ce soit, ou bien qu'il doute par rapport à ça, son impureté. Donc au début, il doute sur la pureté. Ça, c'est le premier cas donné par le shir. Il n'est pas sûr qu'il est pur. Donc il est sûr qu'il est impur. Et il n'est pas sûr qu'il est pur. C'est le contraire de ce qu'on a dit. Et le deuxième cas, c'est il est sûr qu'il est pur et il doute sur son impureté. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par certitude de l'impureté et doute sur la pureté? Donc il a un vêtement, il est certain d'avoir uriné dedans. Ou bien que son enfant ait uriné pour être plus pratique. Ou bien que lui, il ait eu une incontinence par exemple et qu'il ait uriné dans ce vêtement-là. Et il avait laissé ce vêtement qu'il n'avait pas lavé de suite. Et deux jours ou trois jours plus tard, il a des vagues souvenirs d'avoir lavé ce vêtement-là entre-temps. Mais il n'en est pas sûr. Il se dit peut-être j'ai fait tourner la machine à laver, il était dedans. Mais je ne suis pas sûr d'avoir mis ce vêtement-là dans la machine à laver. Et il n'a plus donc de trace perceptible lui permettant de voir la neigesse. Alors est-ce qu'il dit que ce vêtement-là, il est pur? Ou bien il prend l'avis donc de son état originel en se basant sur l'état originel et en lui attribuant l'état d'impureté? Voilà, la dernière certitude, c'est qu'il était impur. Il est sûr qu'il y a deux jours, il a uriné dedans. Ou il est sûr qu'il y a deux jours, il y avait du mehdi, du liquide préjaculatoire dans ce vêtement-là. Il est sûr qu'il y avait de l'alcool qui est tombé sur ce vêtement. Ou autre impureté. Et il a le doute de l'avoir lavé entre-temps. Donc il ne dit pas, Inch'Allah, il est pur, allez. Une chance sur trois, une chance sur cinq. Et il prend ce vêtement, il prie avec. Non. Obligatoirement, il doit le laver parce que la base dans ce vêtement, c'est l'impureté. De même pour un ustensile. Il achète un ustensile, par exemple, au marché aux puces, et la personne est un mécréant et lui dit, ce service-là, par exemple, de verre avec carafe ou autre, on buvait du vin dedans et j'ai pas eu le temps de le laver. Et il achète dans cet état-là, il ne le lave pas de suite. Et quelques jours plus tard, il met dans son placard, ou quelques jours ou quelques mois plus tard, bon, il doit le laver normalement de suite, il ne rentre pas des ustensiles, notamment avec du vin comme ça chez lui. Et ces ustensiles-là, donc, quelques jours plus tard, il veut les utiliser et il a le vague souvenir, il lui semble les avoir lavés entre-temps. Donc il est sûr de les avoir achetés en étant impurs car ils étaient imprégnés de vin et il pense les avoir lavés. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il juge ces ustensiles? Purs ou impurs? Impurs, car il est sûr de les avoir achetés impurs et il doute donc de les avoir lavés entre-temps. De même pour un vêtement, ses chaussures par exemple. Il était dans la rue, il a écrasé une crotte de chien. Et il veut faire la prière. Maintenant, c'est l'heure de la prière et il n'est pas dans une mosquée, car dans une mosquée on enlève nos chaussures, mais il va prier dehors, il est peut-être en voyage ou pas. Et il va prier dehors, il veut prier avec ses chaussures. Donc il est certain que ses chaussures étaient impures à un moment. Et il lui semble les avoir lavées entre-temps. Il pense les avoir lavées entre-temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il les considère comme impurs. Non, justement, voilà, j'attendais cette remarque de votre part. Alhamdoulilah, vous êtes attentif. La purification des chaussures, elle se fait par la terre. Donc si au moment de la prière, il retourne sa chaussure et qu'il voit que la crotte a disparu, aïnun najasa, c'est-à-dire que la najasa a réellement disparu de manière totale, il peut prier comme ça, même sans laver ses chaussures. Car dans le hadith du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée et qu'il y a donc une impureté dans ses sandales, qu'il les frotte à la terre, car c'est une purification pour ses sandales. Donc la purification des sandales peut se faire par le frottement au sol. Des sandales, hein, et pas d'un vêtement ou autre. Donc s'il doute au sujet de la pureté d'une eau ou d'autre chose, vêtements, ustensiles, etc., quelque chose que ce soit, ou bien qu'il doute au sujet de son impureté, ben al yaqin, il fonde sur la certitude. Quelle est la preuve de cette règle? Cette règle-là, c'est une des grandes règles de la sharia, elles sont au nombre de 5. Cette règle-ci, c'est al-yaqin ou la yazulu, ou bien la yuzalu bishak. La certitude ne s'en va pas à cause du doute. Ne s'en va pas du fait du doute. Et ça, c'est un point très important de notre sharia, car elle coupe à la racine donc le waswas. Le waswas, hein, les insufflations de Satan qui peuvent amener la personne à tomber carrément malade. Car si jamais on devait prendre en compte le doute, on serait toujours dans le doute. Car on est rarement sûr à 100% de la pureté de quelque chose, ou bien de son impureté. Donc le fait d'évacuer les doutes et les incertitudes permet de protéger notamment le aql, car notre sharia protège l'aql, la raison. Donc c'est une facilitation générale, mais ça protège notamment la raison de la personne, car celui qui veut jouer la précaution à chaque fois, hein, il va ouvrir une porte à Satan, et ensuite Satan va s'amuser avec lui. Va s'amuser avec lui au point de lui rendre difficile sa ibadah, son adoration. Au niveau que ce soit de ses vêtements, au niveau de l'eau qu'il utilise, au niveau de l'endroit où il prie. Après, la personne tombe dans une phobie et voit des najasat partout et se dit, il y a peut-être une probabilité que la chose est impure, donc par précaution je vais la laver. Et les waswas de Satan, hein, ils n'ont pas de fin. Donc il va s'amuser avec l'individu qui va rester toujours donc dans le lavage, que ce soit de hadath ou de khabath, et ceci va alourdir donc sa pratique. Et inéluctablement, il délaissera un jour ou l'autre, Allahu a'lam, sauf si Allah l'aide et le sort de cette situation-là, il délaissera l'adoration. Car il va à l'encontre. Il va à l'encontre de l'essence même de la sharia, qui est la facilité. Donc, quelle est la preuve de cette règle-là? Il y a de nombreux hadiths. Il y a de nombreux hadiths. On va en citer un, qui est le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu. Le hadith, il est dans le Bukhari wa Muslim. Le hadith est dans Al-Bukhari wa Muslim, donc muttafaqun alayh, unanimement reconnu authentique. Shukiya ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah faqala sallallahu alayhi wa sallam la yansarifu ou la yansarif حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. Donc dans les deux recueils de Bukhari et Muslim, il y a ce hadith là. Donc on a rapporté au prophète alayhi salatu wa salam le cas donc d'un homme à qui il semble, donc il imagine avoir donc évacué quelque chose en prière, c'est-à-dire que quelque chose est sorti de lui-même, c'est-à-dire des gaz. On a rapporté au prophète alayhi salatu wassalam le cas de quelqu'un à qui il semble qu'il a évacué des gaz en prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc la yansarif, qu'il ne sorte pas de sa prière, hatta yasma'a sawta, jusqu'à ce qu'il entende un bruit, un son, aw yajida riha, ou bien qu'il sente une odeur. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith là, en ordonnant à la personne à qui il semble que des gaz sont sortis en prière, donc il est en état de pureté à la base, il a commencé sa prière en ayant les ablutions ou pas? Oui. Et cette personne, il lui semble avoir émis des gaz. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Qu'il ne coupe pas sa prière, qu'il n'en sorte pas jusqu'à ce qu'il entende un son, qui est donc une trace prouvant la certitude qu'il y a eu émission de gaz, ou bien qu'il sente une odeur, qui est aussi une trace de certitude qu'il y a eu évacuation, donc émission de gaz. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a ramener l'individu à la certitude, qui est l'état de pureté, en lui disant de ne pas sortir, en lui disant de ne pas sortir de sa prière. Et il y a de nombreux hadiths, mais celui-ci, inshallah, nous suffit pour établir la règle, qui est al-yaqinu la yazulu bishak, la certitude ne s'en va pas par la certitude. La certitude ne s'en va pas du fait du doute. Le cheikh dit ensuite, rahmatullahi alayhi, wa in khafiya mawdi'u an-najasati min ath-thawb aw ghayrihi ghassala ma tayaqqana bihi ghaslaha. Et si jamais donc l'endroit de la najasa, de l'impureté, donc est comment j'avais traduit dans le texte, il est imperceptible. Et si jamais l'endroit de la najasa est imperceptible, donc la najasa dans le vêtement ou bien dans autre chose, il lave donc de ce dernier donc la quantité ou bien la partie par laquelle il est sûr d'avoir lavé donc l'impureté. Que veut dire le shirk par cela? Donc il a donné l'exemple du vêtement au début. Nous on illustre par le vêtement. Quelqu'un a un vêtement et il est certain que une des deux manches a une impureté. Il est certain, il avait son camis sur lui un moment, et il se souvient qu'une impureté avait touché une des deux manches, mais il ne se souvient plus. Est-ce que c'est la droite ou la gauche? Et il veut utiliser ce camis maintenant pour prier. Le shir, qu'est-ce qu'il dit? Il lave donc de ce vêtement-là la quantité par laquelle il est sûr qu'il aura lavé l'impureté. Donc est-ce qu'il lave une des deux manches en se disant « Allez, je pense que c'est plus la gauche et je lave la gauche » et il garde donc une incertitude envers la droite que c'est elle éventuellement qui a l'impureté? Non, l'avis ici de Cheikh Ibn Qudama al-Maqdisi, c'est qu'il doit obligatoirement laver les deux manches car c'est la seule méthode par laquelle il est certain d'avoir lavé l'impureté du vêtement. D'autres savants, anciens et contemporains, comme Cheikh Al-Uthaymeen rahmahullah, disent que s'il a un avis majoritaire et des éléments lui permettant de dire que je pense vraiment plus que c'est la manche gauche que la droite, il lave que la manche gauche par exemple. Allah a'lam, on reste sur l'avis du Cheikh bi'idhnillahi azza wa jal, et l'autre avis aussi est soutenable et assez preuve. Donc que ce soit un vêtement ou autre chose, si c'est par exemple un tapis de prière, il est certain que ce tapis de prière avait une najasa, une impureté dans la première moitié haute, dans la moitié haute il y avait une najasa. Est-ce qu'il est obligé de laver tout le tapis? Qu'est-ce qu'il doit laver comme partie de ce tapis pour être sûr d'avoir lavé cette impureté? La moitié dans laquelle il est certain donc il y avait l'impureté. Si quelqu'un, un homme par exemple, a uriné debout, on verra que c'est permis, il a uriné debout, mais dans un endroit où il ne devait pas uriner debout, et son urine a éclaboussé sur le bas de son vêtement, et qu'il veut désormais le laver. Et il est certain, donc, cette urine-là a éclaboussé, mais qu'elle n'a pas dépassé son genou, par exemple. Qu'elle n'est pas montée au-delà du genou. Est-ce qu'il doit laver tout le qamis? Non. Il doit laver la partie donc du qamis par laquelle il est certain d'avoir lavé l'impureté. Et de même pour un hijab, de même pour un jilbab, de même pour n'importe quoi. Que ce soit un vêtement, un ustensile. Même un ustensile. Donc ça, c'est valable pour tout élément. وإن اشتبه ماء طهور بنجس. Et si jamais une eau tahour est indifférenciable d'une eau najis, impure, ولم يجد غيرهما, et qu'il ne trouve pas autre chose que ces deux eaux, تيمم وتركهما, il fait le tayammum et les délaisse. Donc ça c'est un cas qui se présente pour l'avis des deux qullah. Mais en dehors de l'avis des deux qullah, inshallah, nous on n'a pas cette problématique que l'on va traduire là. Parce qu'on a une caractéristique ou deux ou trois différenciant l'eau tahour de l'eau najis. Donc si une eau tahour est indifférenciable d'une eau najis, donc ça c'est notamment pour le Hanbali et le Shafi'i. Il a deux seaux. Il est sûr qu'un des deux seaux est tahour et il est sûr qu'un des deux seaux est najis. Ou bien deux bouteilles. Il est sûr qu'il y a une des deux bouteilles qui est najissa, qui est impure, donc dont l'eau est impure à l'intérieur, et une autre eau, il est sûr qu'elle est tahour. C'est l'heure de la prière, il doit faire sa prière. Qu'est-ce qu'il fait? Cheikh Ibn Qudama dit tayammama wa tarakahuma. Il fait le tayammum et les délaisse, toutes les deux. Car il n'a pas donc de solution pour pouvoir enlever son hadith de manière sûre. Et on ne peut pas faire la prière avec l'incertitude d'avoir enlevé son hadith. Il ne peut pas dire allez au hasard une chance sur deux, Inch'Allah. Et il prend une des deux bouteilles. Non. Mais ce cas-là, il se présente en réalité que dans le madhhab des deux qullah. Que dans le madhhab des deux qullah. Car en dehors de cet avis-là, donc, en prenant l'avis qu'on a adopté, on aura soit la couleur, soit le goût, soit l'odeur, permettant de différencier une eau impure d'une eau pure. Et certains savants disent que yataharra, dire-il, s'il a des indices, lui donnant une pensée prépondérante sur l'une des deux bouteilles. Je pense vraiment plus que c'est celle-là qui est tahour, il lui a permis d'enlever son hadith avec. وَإِنْ اِشْتَبَهَا طَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Et si jamais une eau tahour, donc est indifférenciable, l'ishtibah, c'est la ressemblance au point qu'on n'arrive pas à différencier les deux éléments. Si jamais une eau tahour, donc est indifférenciable d'une eau tahir, donc pure mais pas purificatrice, تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Il fait ses ablutions avec les deux eaux. Il fait ses ablutions avec les deux eaux. Donc il a deux seaux ou deux bouteilles. Il est sûr que une des deux eaux est tahour et il est sûr que l'autre est tahir. Donc l'une est pure et purificatrice et l'autre est pure mais pas purificatrice. Mais il n'arrive pas à les différencier. Et donc ça, est-ce que ça va être présent dans notre madhhab, dans ce qu'on a choisi comme avis? Non. C'est l'avis malikite, ça, qui dit que le changement d'état de l'eau, il est fonction du changement de l'odeur, du goût, de la couleur, et qu'on ne prend pas en compte les deux qullah. Non, on ne va pas avoir ce cas-là. Car une eau tahir, elle aura l'odeur du tahir qui l'a changé, donc de l'orange si c'est de l'orange, du sirop si c'est du sirop, de la menthe si c'est de la menthe, peu importe l'élément qui a changé cette eau-là. Donc cet élément tahir, il a soit laissé une odeur, soit laissé un goût, soit laissé une couleur. S'il n'a rien laissé de ces trois caractéristiques, l'eau garde sa base originelle qu'elle est tahour. Mais on explique quand même l'expression donc, de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah. Donc lui, il dit, il fait les ablutions donc avec chaque eau. Donc il y a deux solutions. Soit donc il fait les ablutions en faisant un lavage avec la première eau et un lavage avec l'autre eau. Donc il fait un lavage de main avec cette eau-là, un lavage de main avec cette eau-là. Une madmada, un lavage de bouche avec cette eau-là, un lavage de bouche avec cette eau-là. Un lavage du nez avec cette eau-là, un lavage du nez avec cette eau-là. Un lavage de visage avec cette eau-là, un lavage de visage avec cette eau-là. Un lavage après de bras droit avec cette eau-là, un lavage de bras droit avec cette eau-là. Un lavage de bras gauche avec cette eau-là, un lavage de bras gauche avec cette eau-là. Il essuie sa tête avec cette eau-là, il essuie sa tête avec cette eau-là. Il lave son pied droit avec cette eau-là et il lave son pied droit avec l'autre eau et le pied gauche pareil, un lavage avec cette eau et un lavage avec cette aussi. Donc là, il est certain d'avoir fait une ablution complète avec une eau tahour. Si le premier lavage se fait avec le tahir, s'enlève pas le hadith, mais le deuxième lavage enlève le hadith. Et si le premier lavage se fait avec le tahour, il enlève le hadeth, et le lavage avec le tahir n'a pas de conséquence. Il ne change rien. Donc il ne pouvait pas faire ça avec le najis. Avec le najis, avec le... Donc l'indifférenciation, la non-différenciation entre l'eau tahour et l'eau impure, il ne pouvait pas faire ça. Un lavage tahour, un lavage najis. S'il fait un lavage tahour, il a enlevé son hadeth, mais après, l'eau najis n'enlève pas le hadeth, mais elle lui met un khabeth. Elle lui met une impureté, donc il ne pourra pas prier. Et s'il commence par l'eau najissa, par l'eau impure, donc il met une najissa sur sa peau, sur son corps, et l'eau tahour va enlever la najissa, mais ne va pas enlever donc le hadeth. Ou bien il fait une ablution complète avec la première eau et une ablution complète avec l'autre eau. Donc il aura fait une ablution complète avec de l'eau tahour et ensuite une ablution complète avec l'eau tahir. Ou bien il fait une ablution complète avec l'eau tahir. Donc est-ce que ça va lui enlever son hadeth? Non. Mais ensuite, il va faire les ablutions complètes avec une eau tahour, donc ça lui enlèvera son hadith. Mais ce cas-là, on ne s'allonge pas, Inch'Allah, il n'est pas présent en pratique selon l'avis qu'on avait choisi. Et si jamais il n'arrive pas à différencier des vêtements impurs, il a 10 khamis devant lui. Il a 10 khamis. Et il est certain qu'il a 3 khamis impurs dans ses 10 khamis et 7 qui sont purs. Ça peut arriver en revanche. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le cheikh dit « Salla fi kulli thawbin bi'adadin najisi ». Donc il prie dans chaque vêtement. Il prie dans ce vêtement, puis il prie dans ce vêtement, et il prie dans des vêtements différents au nombre de vêtements impurs. Wazad à salat, il rajoute une prière. Donc ici, il fera combien de salat? Puisqu'il a 3 vêtements impurs de manière certaine. Il fera 4 prières dans 4 khamis différents. 4 prières dans 4 khamis différents. Et il est certain ici d'avoir fait une prière donc avec un vêtement pur. Et d'autres savants disent que yataharra, hein, il essaie donc de, s'il a des indices lui permettant de dire je pense que de manière prépondérante que c'est plus ce khamis que d'autres. Donc il n'est pas dans le doute, il n'est pas à 50%. Il n'est pas dans une pensée équitable envers tous les khamis. Il y a un khamis qui sort du lot. Ou bien il y a 2-3 khamis, il est plus sûr qu'ils sont impurs que les autres. Là, il prend un seul khamis, donc où il pense de manière prépondérante qu'il est pur et il fait une prière. Et bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, sa prière, inshallah, est authentique et il a concrétisé donc la condition qui est de faire la prière avec un vêtement pur. Et de même pour le cas précédent, concernant les deux eaux, tahour et tahir, des savants disent que yataharra. Il essaie de faire un effort, notamment s'il a des indices. Il a des indices lui permettant de dire que cette eau, je pense beaucoup plus qu'elle est tahour que l'autre. Il lui est permis de faire les ablutions avec une des deux eaux. Et s'il est dans le doute total, même là c'est permis, Cheikh Al-Uthaymeen a dit, et il a dit pourtant, c'est quand même un avis qui est faible, parce qu'il a 50% entre deux eaux. Entre une eau où tu peux faire avec tes ablutions et une eau où tu ne peux pas faire tes ablutions. Mais il a dit, c'est prioritaire quant au fait de faire 2 fois les ablutions. Notamment parce qu'une des 2 ablutions va se faire avec le doute. Et la niya, c'est l'azm bil qalb. La niya, c'est nouer et prendre une forte détermination au niveau du cœur de faire une adoration. Mais là, tu ne vas pas l'avoir parce que tu as une eau qui est tahir dans une des deux eaux. Il y en a une qui est pure. Donc tu ne vas pas arriver devant les deux eaux avec une intention ferme d'enlever ton hadith. Mais pour l'eau, alhamdoulilah, on peut garder la vie selon lequel on fait 2 ablutions ou bien une ablution avec à chaque fois un lavage de membres de lavage de membres avec une fois cette eau et une fois cette eau-là. Mais là, avec les qamis, notamment, s'il y a un grand nombre, ça, c'est fatigant ça, de faire plusieurs prières. Et on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est interdit de prier deux fois la même prière dans la même journée. Certes, ici, on peut dire qu'il y a une raison de faire plusieurs fois la même prière. Mais quand on a des qamis nombreux, ça risque d'être fatigant et ça va à l'encontre de la facilité de notre sharia. Même si les savants disent que tu es récompensé pour toutes les prières. Même les prières qui ont été faites avec un vêtement impur, tu es récompensé pour celles-ci, bi'idhnillah. Par Allah subhanahu wa ta'ala, ne laisse pas vain la récompense de quelqu'un qui fait le bien. Donc s'il a une sœur à 5 jilbabs, elle est sûre qu'il y a 2 jilbabs qui sont impurs. Elle allait une fille et cette fille-là avait uriné donc sur son jilbab. Elle a enlevé, elle n'a pas lavé, elle a mis un autre gilbeb, cette fille-là a uriné encore sur son autre gilbeb. Elle a enlevé, elle n'a pas lavé, elle les a laissés dans un endroit où il y a d'autres gilbeb. Elle est venue après pour prendre un jour un autre gilbeb, 2-3 jours plus tard, et elle ne sait plus dans quel est le gilbeb sale du gilbeb propre. Donc après avoir sali le sien, donc elle a d'abord sali un premier gilbeb qu'elle a mis avec les autres gilbeb. Un deuxième gilbeb, elle a sali, qu'elle a mis avec ses autres gilbeb. Donc là, elle a mis un troisième gilbeb. Elle a sali ce gilbeb. Elle est venue pour prendre un autre gilbeb, elle n'arrive plus à se souvenir c'est lesquels les deux gilbeb qui étaient impurs. Donc soit elle fait ce que le cheikh a dit, qu'est-ce qu'elle va devoir faire ? À faire 3 prières avec 3 gilbabs différents. Donc au pire, entre guillemets, c'est sûr qu'elle aura fait, enfin, au pire elle aura fait 2 salates avec 2 gilbabs najis. Peut-être elle aura fait 3 prières avec 3 gilbabs purs. Peut-être elle aura fait 2 prières avec 2 gilbabs purs et une prière avec un gilbab impur. Mais au plus, pour ne pas dire au pire, je reprends, c'est au plus elle aura fait 2 prières avec 2 gilbeb impurs et elle est sûre d'avoir fait une prière avec un gilbeb pur. Mais on peut prendre aussi l'autre avis, bihaoulillah, il se soutient. Enfin, on n'a pas de texte tranchant par rapport à ces différents cas. Tout ça se base sur des qawaïd, sur des règles firqiya, plus que sur des textes clairs et tranchants par rapport à ces cas-là. Elle peut aussi, notamment si elle a des indices, par exemple, par rapport à la couleur. Il lui semble, mais elle n'est pas sûre, que les gilbeb qu'elle avait lorsqu'elle a uriné sur elle, sa fille, c'était un gilbeb marron et un gilbeb gris. Et le reste, ils sont tous noirs. Mais elle n'est pas sûre. Elle se dit, c'est possible que j'avais un gilbeb noir, les 2 fois, mais j'en suis pas sûre. Je pense que c'est un gilbeb marron et un gilbeb gris. Et dans ces 10 gilbeb, elle a un marron, un gris et 8 noirs. Là, elle lui est permis de prendre un noir et de faire qu'une prière, parce qu'elle a un indice qui lui permet quand même d'avoir une pensée prépondérante sur des gilbeb plutôt que d'autres. Wallahu a'lam. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit ensuite: wa tursalu najasatul kalbi wal khinziri sab'an ihdahunna bit-turab. Et l'impureté du chien ainsi que du cochon sont lavées 7 fois, un des lavages avec de la terre. Donc ici le cheikh rahimahullah entame ce qu'on appelle le lavage donc des najasa. Auparavant, il avait donc détaillé les catégories d'eau, les changements d'état de l'eau, et il a parlé de certains cas concernant ce qu'on appelle al-ishtibah, donc l'indifférenciation entre différentes eaux, ou bien entre différents vêtements, ou bien autre chose, et ici, il pénètre dans ce qu'on appelle le lavage des najasa, le lavage des impuretés. Il dit que l'impureté du chien et du cochon sont lavées 7 fois, un des lavages se fait par la terre. Donc le kelb, Le chien, selon l'avis, wallahu a'lam, que l'on choisira et qui est le plus authentique, wal ilmu indallah, c'est que le chien est impur, de manière totale. Tout est impur dans le chien. Ses poils, sa peau, sa langue, sa salive, tout ce qu'il, tout son corps, najasatu 'ayn, c'est une najasa en lui-même. Et cet avis-là, ce n'est pas l'avis de tous les savants. Certains savants disent que le chien est pur et qu'il n'y a pas de dalil tranchant permettant de dire qu'il est impur. C'est notamment l'avis de l'école Malikite qui disent que le chien est pur et que tout, même sa salive, est pure. Et ils répondent par différentes réponses au dalil que nous on va donner concernant donc l'impureté du chien. Quel est le dalil de l'impureté du chien? C'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala idha walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an aw lahunna bit-turab. Donc Abu Hurayra radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le chien walagha, c'est-à-dire qu'il lappe, c'est-à-dire avec sa langue il lappe le récipient de l'un d'entre vous, lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَنْ, qu'il le lave sept fois, أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ, le premier lavage avec de la terre. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Dans le Bukhari et Muslim, on a إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَنْ, lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois. Point, là pour le Bukhari Muslim. Et on a un ajout chez Muslim, أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ, le premier lavage avec de la terre. Ça c'est un rajout qui se trouve que chez Muslim. Comment est-ce qu'on prend la najasa, donc le caractère impur du chien de ce hadith? C'est que le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné le lavage du récipient dans lequel a bu le chien. Et la base dans le lavage, c'est que c'est une conséquence d'une impureté. Ça c'est la base dans le lavage. Et notamment il y a d'autres versions authentiques aussi dans lesquelles le prophète alayhi salatu wasalam dit tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a. La purification du récipient de l'un d'entre vous lorsqu'il a bu le chien, c'est qu'il le lave sept fois. Et là notamment c'est le mot tuhur qui implique donc qu'il y a eu impureté du récipient. Donc le chien est une impureté. Je ne rentre pas dans les réponses au madhhab malikite, car même la parole des malikites, elle est forte et assez preuve. Elle est forte et elle a ses preuves. Mais wallahu a'lam, on prend cet avis-là, bi'iznillahi azza wa jal, et c'est l'avis ici des hanabila, donc on l'adopte bi'hawlillahi azza wa jal. Donc la najasa du chien, qu'est-ce qu'on veut dire par najasa? Quand on dit najasa, c'est il faut qu'il y ait trace laissée par le chien. C'est pas le simple contact qui va induire le lavage au nombre de sept fois comme on vient de le citer. C'est lorsqu'il y a trace. Donc lorsque le chien lappe le vêtement, il lèche le vêtement de quelqu'un, il lèche sa peau, il lèche un récipient, il lèche un tapis, lorsqu'il passe avec ses pieds mouillés sur un tapis, sur un vêtement, qu'il touche par son museau et que l'humidité du museau laisse une trace sur quelque chose, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit laver sept fois, cette impureté-là. Et concernant le lavage de la terre, il y a plusieurs versions, mais la plus authentique, comme dit Al-Hafid ibn Abd al-Barr, rahimahullah, c'est « أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ». Le premier lavage doit se faire par la terre. Donc on prend celui-là, on oublie les autres versions. Hein. L'une d'entre elles par la terre, la dernière d'entre elles par la terre, il y a d'autres versions comme ça. Nous on garde celle qui est Aulahunna. La première par la terre, c'est la plus authentique chez les savants du hadith. Donc la première par la terre. Et il y a une autre version dans Muslim. C'est un autre hadith même. Wa'affiruhunna thaminata bit-turab. Et donc remplissez le récipient de terre lors du huitième lavage. Qu'est-ce qu'on veut dire par huitième là? Le prophète il dit 8e lavage. C'est pas 8e dans le sens de l'ordre, mais c'est dans le sens de la présence. Et c'est dans le sens où le lavage avec la terre est compté comme un lavage indépendant. Mais dans la version précédente qu'on a donnée, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam dit « Lavez-le 7 fois, la première avec de la terre », c'est pas avec de la terre de manière indépendante et 6 lavages à l'eau après. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit « Il y a 3 manières, rahimahullah ». Donc dans ce lavage avec la terre, soit je mets de la terre, puis je passe de l'eau après, soit je mets de l'eau, je passe de la terre après, soit je mélange la terre à l'eau et je fais un lavage avec les 2 matières en même temps. Donc dans les 2 cas, j'ai un lavage ici à l'eau. Dans les 3 cas même, pardon. Et 6 lavages à l'eau après. Ce qui fait 7 lavages à l'eau. Et on a donc, soit on compte la terre comme étant un lavage indépendant. Ce qui explique la version du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, et remplissez le récipient avec 1/8 lavage à la terre. Et en même temps, ça ne va pas à l'encontre des autres versions qui disent 7 fois. Et l'une d'entre elles, avec la terre. L'une d'entre elles avec la terre, pas de manière indépendante. C'est-à-dire avec, en accompagnant l'eau de terre. Donc comment se fait le lavage d'un récipient ou d'un vêtement ou autre lorsqu'il y a eu contact avec la najasa, l'impureté d'un chien? C'est de cette manière-là. Je passe de la terre, si je n'ai pas de terre, du savon, ou je peux même remplacer la terre par le savon. Comme disent beaucoup de savants contemporains, même si ce n'est pas l'avis de tous, il y en a qui disent, du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit terre, tant qu'il n'y a pas absence de terre, on n'utilise pas autre chose. Mais notamment pour le vêtement, Allah a'lam, on peut utiliser du savon. Et beaucoup de savants donnent cet avis-là dans les savants contemporains. Donc je fais mon premier lavage à la terre, ou bien au savon. Et ensuite je rajoute combien de lavages à l'eau? 7. 7 là. Sinon, je fais un lavage à l'eau, et ensuite je mets de la terre ou bien du savon. Et combien de lavages derrière? 6. Donc j'ai toujours 7 lavages à l'eau. J'ai toujours 7 passages d'eau sur le vêtement, l'endroit, le sol ou autre. Donc ça, c'est concernant la najasa du kelb, l'impureté du chien. Wal khinzir, il a dit, le chir, que le cochon aussi, il a ce statut-là, et le plus authentique, Allah a'lam, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Le cochon, il reste une impureté, na'am, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِي يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé comme interdit, si ce n'est donc une bête morte, ou bien du sang qui coule abondamment, ou bien de la viande de porc, car c'est une impureté. Mais on ne peut pas donc faire un qiyas du cochon sur le chien et dire que le lavage doit se faire 7 fois. Non, il se fait à la base comme les autres impuretés. Il faut qu'il y ait disparition donc de la matière, simplement en passant de l'eau tahour ou bien tahir, comme on avait dit. Le lavage du khabeth par l'eau tahir est accepté. Donc c'est le lavage 7 fois de l'impureté du cochon. Wallahu a'lam, il n'y a pas de preuve concernant cela. Wallahu a'lam. Ensuite, il dit wa tursalu wa yujzi'u fi sa'iri an-najasati 3 munqiyah. Et il suffit concernant le reste des impuretés 3 lavages purificateurs. Wa in kanat 'ala al-ardi fa sabbatun wahidatun tadhhabu bi'ayniha. Et si l'impureté sur le sol, un seul lavage qui enlève donc la matière de l'impureté, qui enlève l'impureté en elle-même. Donc ici, l'imam Ibn Qudama catégorise les najasa en 3 catégories. La najasa du chien et du cochon, nous on sort celle du cochon, on garde celle du chien. L'impureté du chien qui doit être lavé 7 fois, un des lavages doit se faire par la terre. Ensuite, on a donc celle-ci, c'est celle qui a le lavage le plus important. Ensuite, on a la najasa qui se trouve au sol. Si elle se trouve au sol, il dit un seul lavage suffit tant qu'il fait partir. Tant qu'il fait partir, donc l'impureté présente sur le sol. Ça, c'est le lavage moindre Et la facilité a été apportée parce que la najasa se trouve sur le sol, et le sol, ce n'est pas une matière que l'on peut prendre et essorer et frotter. Ensuite, on a le reste, donc des impuretés. Qu'est-ce qu'il dit ? وَيُجْزِئُ فِي سَئِرِ النَّجَاسَةِ ثَلَثٌ مُنْقِيَةٌ. Et il suffit pour le reste, donc des impuretés, trois lavages, مُنْقِيَةٌ, donc purificateurs, c'est-à-dire qui font partir la najasa. Donc des savants ont mis comme condition pour enlever la najasa qu'il faut trois lavages. Qu'il faut trois lavages, comme le dit le cheikh ici. C'est l'avis qu'il a adopté. Donc si j'ai un qamis et qu'il y a de l'urine dessus, du vin, du mehdi. Si je lave une fois cette urine et que l'urine part, qu'elle a disparu de manière totale, odeur, couleur, matière, qu'elle est inexistante, selon l'avis du cheikh, je suis quand même obligé de rajouter deux lavages et il n'y a pas purification du vêtement tant qu'il n'y a pas eu trois lavages. Même si au bout de deux lavages, la pureté s'en va, je suis obligé de rajouter un lavage car il n'y a pas purification donc de ce vêtement-là sans trois lavages. Ça, c'est un avis chez certains savants. Donc, pareil concernant mon corps. Si jamais une impureté se trouve sur mon corps, concernant par exemple l'istinja, un lavage enlevant donc l'urine se trouvant par exemple au bout de l'organe de l'homme ou de la femme ne suffit pas. Un lavage ne suffit pas selon cet avis-là, car pour enlever une impureté, il faut obligatoirement trois lavages. Et sur quoi se sont-ils appuyés? Sur le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. رواه مسلم. والبخاري كذلك يعني رواه دون ذكر الثلاثة. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qu'il ne trempe pas sa main dans le récipient, donc lorsqu'il veut faire ses ablutions, qu'il ne trempe pas sa main dans le récipient jusqu'à l'avoir lavé trois fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Le hadith est rapporté par Muslim, et le Bukhari l'a rapporté aussi, mais sans apporter le détail de trois fois. Il n'a pas apporté le nombre de lavages. Donc ils ont pris de ce hadith-là l'obligation de laver trois fois donc la najasa, pour dire qu'il y a désormais pureté. Pourquoi ? Parce que ce hadith-là, par rapport au doute de l'impureté dans la main, le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné de tripler le lavage. Le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné de tripler le lavage de la main avant de la mettre dans le récipient. Et il n'a pas dit qu'il la lave point. S'il avait dit qu'il la lave point, éventuellement, donc le triplement du lavage n'aurait pas été pris en compte. Mais ici, il a dit trois fois. Donc celui qui lave deux fois, a-t-il obéi au hadith ? Non. Celui qui lave une fois ? Non. Obligatoirement, il faut laver trois fois. Et, Allahu A'lam, certains savants répondent à ce hadith-là. Et disent que la illah ici, غَيْرُ مَعْقُولَ, la cause donc de ce triple lavage, elle n'est pas en réalité مَعْقُولَ, c'est-à-dire compréhensible par la raison. On ne peut pas l'atteindre par la raison. Et ce n'est pas en réalité donc l'éventuelle impureté physique au niveau de la main qui fait que le lavage est obligatoire. Mais c'est autre chose qui relève éventuellement, par exemple, de certaines actions de shaitan qui ont lieu la nuit. Et il s'appuie sur le hadith du prophète alayhi salatu wasalam qui dit: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. Lorsque l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qu'il fasse l'istinthar, c'est-à-dire qu'il fasse pénétrer de l'eau dans son nez et qu'il la rejette trois fois, car Satan dort donc sur son nez. Unanimement reconnu authentique. Et là, c'est certain que c'est pas par cause de najasa que le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné trois lavages du nez. mais c'est parce que simplement c'était aboudi, c'est quelque chose que l'on fait par adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a donné la cause, mais matériellement il n'y a pas de choses palpables qu'on peut atteindre par la raison. De même, il se peut que Satan, comme Cheikh Al-Uthaymeen a dit dans Sharh Al-Mumti', que Shaitan joue avec la main de la personne ou autre chose que l'on ne peut pas comprendre par la raison. Et de ce fait là, le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné le triple lavage. Et les savants qui disent que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ça parce que c'est l'éventualité d'une impureté physique sur la main, ils expliquent que les compagnons radiyallahu anhum avaient peu d'eau, donc à leur époque, et majoritairement ils faisaient l'istijmar. Ils se lavaient donc le postérieur après avoir déféqué par les pierres, ce qu'on appelle l'istijmar, que l'on verra ensuite dans un autre chapitre. Ils enlevaient donc les traces de leurs excréments par la pierre. Et ça laisse ça toujours une trace. Ça laisse une petite trace d'excréments au niveau de l'anus. Et lors du sommeil, donc ces gens-là dormaient souvent avec des izars, avec des vêtements qui permettent donc à la main d'aller d'entrer en contact avec l'anus. Et notamment, c'était des régions chaudes et les gens transpiraient donc de leur derrière. Et le contact de la main durant le sommeil avec cette najasa donc faisait que la main éventuellement pouvait être donc impure. D'où l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam de laver la main. Donc nous, bi'idhnillah azzawajal, on choisit l'avis selon lequel c'était aboudi. Donc c'est par rapport à des notions comme le lavage du nez en lien peut-être avec Satan et les actions qu'il fait pendant la nuit. Wal-ilmu indallah. Et ça, c'est si jamais il y a doute de l'impureté de la main. Si on est sûr, là tout le monde est d'accord, que si on est sûr qu'il y a impureté au niveau de la main, qu'il faut la laver trois fois en dehors, en dehors du récipient. Donc quel est l'intérêt de cette divergence? Quand je dis l'intérêt, quand on veut dire fa'idatul khilaf, c'est-à-dire en pratique, quel est l'impact en matière de pratique sur cette divergence-là? C'est que celui qui dort avec un gant, par exemple, il dort avec deux gants, et il se réveille, selon l'avis, disant que le triple lavage est dû au fait qu'il y a éventuellement une impureté sur la main. Est-ce que ici alors il est permis de mettre sa main directement dans le récipient pour faire ablution? Oui. Selon l'avis, disant que le lavage est en raison d'une éventuelle impureté au niveau de la main. Si jamais la personne a dormi donc avec un gant, ça c'est un cas qu'a donné Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Al-Mumti'a. Je ne l'invente pas de ma tête. Il a donné cette différenciation. Donc selon l'avis, disant que le lavage a été ordonné en raison d'une éventuelle impureté, la personne pourra laver directement ses mains dans le récipient. Et si on dit que c'est en raison, donc en lien avec les actions de Satan la nuit, de Shaitan, là, obligatoirement, même si j'ai dormi avec un gant, je suis sûr que ma main n'a pas touché de najasa, je suis dans l'obligation de laver mes mains trois fois avant de les mettre dans le récipient. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il n'a pas parlé de lien avec la najasa, avec l'impureté. Simplement, il a dit, car l'un d'entre vous ne sait pas où a dormi sa main. Donc ce n'est pas en lien direct avec la najasa. Wallahu a'lam. Donc ça c'est le hadith sur lequel se sont appuyés les savants disant que l'impureté ne peut partir avec moins de trois lavages. Et pourquoi est-ce que le Cheikh a dit munqiyah, c'est-à-dire purificateur, si les trois lavages n'ont pas fait partir la najasa, il faut obligatoirement ajouter un quatrième. Et si les quatre lavages n'ont pas fait partir la najasa à l'impureté, il faut rajouter un cinquième, etc. jusqu'à ce que l'impureté parte. Mais parfois, l'impureté ne part pas, c'est-à-dire l'impureté s'en va, le gros de la matière s'en va, mais il reste de la couleur. Après de nombreux lavages, comme le sang, ça peut arriver, il reste du rouge sur le vêtement, ou autre impureté, qui laisse toujours de la couleur. Là, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est pardonné et dont il ne tient pas compte. Parce que al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait supporter à une âme que ce qu'il peut, que ce qu'elle peut supporter, que ce qu'elle peut faire. Et là, tu es dans l'incapacité, après de nombreux lavages, de faire partir la couleur de cette impureté. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte de cela, incha'Allah. Wa in kanat 'ala al-ardi, et si l'impureté est sur terre et sur le sol, fasabbatun wahidatun tadhhabu bi'ayniha, alors un seul jet d'eau suffit, un seul jet qui fait partir donc la najasa, la matière impure. Li qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subbu 'ala bawli al-a'rabi dhanuban min ma. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque le campagnard est entré dans la mosquée et a uriné, vous connaissez l'histoire, les sahaba radiallahu anhum se sont levés donc pour le châtier, le sermonner, lui donner une leçon physique. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, laissez-le terminer donc son urine. Et ensuite il a appelé ce campagnard-là et lui a expliqué que ces maisons-là donc n'étaient pas faites pour ces choses-là, mais qu'elles étaient construites donc pour la prière, la lecture du Coran, le rappel d'Allah. Et donc il a enseigné avec sagesse comme c'était son attitude alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qu'a dit ensuite ce campagnard? Il a dit Allahumma arhamni warham Muhammadan, oh Allah fais-moi miséricorde et fais miséricorde à Muhammad, wa la tarham ma'ana ahada, et ne fais miséricorde à personne d'autre que nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laqad hajjarta wasi'a, il lui a dit tu as rendu restreint quelque chose qui est très large, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a dit donc aux compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit versez sur l'urine du campagnard un seau d'eau. Donc il n'a pas dit trois seaux d'eau, il n'a pas parlé ici de triple lavage, mais simplement un seul seau d'eau, car la najasa sur le sol, l'impureté sur le sol, est une impureté qui n'est pas, qu'on ne peut pas enlever par frottement, par lavage facile comme c'est le cas d'un vêtement. C'est-à-dire le sol n'est pas quelque chose de maniable. Donc la charia a facilité le lavage en ordonnant un seul lavage qui se fait par le fait de jeter de l'eau qui va faire partir cette najasa. Donc l'imam Ibn Qudama rahimahullah dit ensuite « وَيُجْزِئُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحِ » Et il est suffisant donc pour laver l'urine du garçon qui ne mange pas encore de nourriture, c'est-à-dire qui allait « النَّضْح » et on va traduire « النَّضْح » Donc concernant l'urine du nourrisson mâle, donc du garçon, on ne parle pas de la fille ici, qui ne mange pas encore de nourriture, le lavage de l'urine de cet enfant-là se fait par un nadh. Qu'est-ce que un nadh? C'est deux choses selon les savants. Soit arrache, qui consiste à prendre de l'eau dans sa main et à la gicler sur l'urine de cet enfant, ou bien c'est faire couler de l'eau donc sur cette urine-là, mais pas de manière abondante jusqu'à ce que le tissu dégouline, comme lors d'un lavage normal. Ça, c'est suffisant donc pour laver l'urine du nourrisson, garçon, première condition. C'est l'urine, deuxième condition, donc les excréments n'entrent pas là-dedans. Et qui ne mange pas encore de nourriture, donc qui ne fait qu'allaiter, je vais expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par qui ne mange pas encore de nourriture, ça c'est la troisième condition. Donc lorsque l'on a ces trois conditions réunies, donc c'est un garçon qui allaite, ce n'est pas une fille. L'urine de la fille, il faut la laver de manière normale comme les autres impuretés. Lorsque c'est un garçon, et lorsque c'est de l'urine, on ne parle pas d'excréments. Et troisième chose, que ce garçon-là ne mange pas encore de nourriture, donc il allaite simplement, le lavage de son urine se fait par un nadh. Qu'est-ce que un nadh? Le fait de gicler de l'eau sur l'urine, ou bien de passer de l'eau de manière légère, mais sans que cette eau ne soit abondante au point qu'elle dégouline fortement, comme lorsque l'on lave une autre najasa. Donc, quelle est la preuve de cela? Le prophète alayhi salatu wa sallam donc a dit dans un hadith. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه الخمسة إلا النسائي rapporté par les cinq sauf النسائي قال قتادة وهذا ما لم وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا Selon Ali radiallahu anh, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'urine, donc du jeune nourrisson. L'urine, donc du nourrisson garçon, yundah, est lavée par le nadh, et l'urine de la petite fille doit être lavée. Le hadith est rapporté par les cinq sauf nasa'i. Donc qui me donne les cinq sauf nasa'i? C'est qui les cinq? Al-Bukhari dit, Muslim. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ahmed, t'as rajouté? Bon, déjà, les quatre des Sunan, à la base, ils sont ensemble. Les quatre des Sunan. Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, ces quatre, ils sont ensemble. Quand on rajoute les cinq, c'est Ahmed avec. Donc là, les cinq, c'est sauf Nasa'i, c'est Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmed. Et les six, c'est ces quatre avec Bukhari Muslim. Quand on dit les six, c'est les quatre des Sunan, Nasa'i, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah avec Bukhari Muslim. Donc quand on dit les cinq, c'est les quatre Sunan. Les quatre Sunan avec Ahmed. Sauf Nasa'i, ici. Donc rapporté par les cinq, sauf An-Nasa'i. Et qu'est-ce qu'a dit Qatada? Donc un des rapporteurs, il a dit, et ceci, c'est tant qu'il ne mange pas, si jamais ensuite il mange, les deux, garçon et fille, alors on lave tout, l'urine du garçon, comme de la fille. Donc ici le prophète alayhi salatu wa sallam dit que l'urine du garçon, nourrisson, yundah, est lavée par le nadh, et en revanche, celui de la fille, yursal, est lavé. Dans un autre hadith, عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. Selon أم قيس, fille de محصن رضي الله عنها, elle dit avoir apporté donc un de ses garçons, son fils, qui était petit et qui ne mangeait pas encore de nourriture, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'assit sur ses cuisses, et ce dernier, donc l'enfant, le bébé, urina sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de l'eau, fanadahahu, il fit le nadh donc le fait de gicler sur l'urine, ou bien de laver un lavage léger, n'allant pas jusqu'à au fait que coule l'eau. Il fit le nadh, donc de cette urine, et ne la lava pas, unanimement reconnu, authentique. Donc le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, et c'est une notion sur laquelle il y a consensus des compagnons, il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. Donc je rappelle les trois conditions qui font qu'on lave ce type d'urine-là. C'est pas l'urine de tout être humain, ou l'urine de tout enfant. C'est l'urine du garçon qui allaite et ne mange pas de nourriture. Et donc, et c'est l'urine. Troisième condition, c'est que c'est l'urine. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'il ne mange pas de nourriture? C'est la nourriture qu'il demande par le cri, par le regard, par faim, et qu'il mange shahwatan, qu'il mange par donc désir. Ce n'est pas, par exemple, une cuillère de miel qu'on va lui donner en tant que médicament. Ça n'entre pas là-dedans. Aussi, le technique, le fait de lui passer la date sur les gencives lors de la naissance qui fait partie de la sunnah, n'entre pas là-dedans. Alors que la matière va entrer donc dans son estomac, et le goût ne serait-ce mélangé à la salive, car on ne lui envoie pas un petit morceau de date, au nourrisson, mais le fait de lui faire le technique, frotter la date à ses gencives à la naissance, fait qu'il va avaler un petit peu de la matière. Est-ce que ça le sort du fait d'être un enfant qui allaite? Non. Donc le fait de lui donner quelque chose de habba sauda, par exemple, un peu d'huile de nigel ou ça pour le en tant que médicament, non. Et s'il demande du miel, comme ça il crie et regarde avec ses yeux hein, le pot et il pleure pour avoir du miel. Et il y a des enfants qui allaitent jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Et après il fait avec le doigt comme ça, il montre le miel. Et qu'on lui donne le miel et qu'il le mange, là il sort de son caractère comme étant un enfant qui allaite. Donc c'est la nourriture demandée par envie, désir et qui est donnée en tant que repas. Pas en tant que médicament. Donc ce sont les deux hadiths hein, sur lesquels se fondent les savants concernant cet avis-là. Et c'est, on a dit il y a consensus des compagnons. Ensuite il dit « وَكَذَلِكَ الْمَذِي » et de même concernant le liquide pré-éjaculatoire. Donc l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a adopté l'avis selon lequel « الْمَذِي » est une impureté qui est lavée par le « nadh ». Donc par le lavage allégé que l'on a cité, le fait de gicler de l'eau ou bien de la faire couler de manière légère sur l'impureté. Et ça c'est un avis qui est adopté par certains savants. Mais Allahu A'lam, l'avis le plus authentique c'est qu'il faut laver le Mehdi. Le Mehdi, il faut le laver. Donc sur quoi se sont basés les savants ayant dit qu'il faut faire le nadh? C'est le hadith de Ali radiyallahu anhu. Arsalna al-miqdada. Ibn al-Aswad radiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fasa'alahu 'an al-madhi yakhruj min al-insan kayfa yuf'alu bih faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawadda wanḍah farjak rawahu Muslim. Donc Ali radiyallahu anhu a dit on a envoyé al-Miqdad ibn al-Aswad auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demander au sujet du liquide pré-éjaculatoire. Bon, on l'appelle comme ça. On va expliquer pourquoi. Donc lui demander au sujet du liquide pré-éjaculatoire qui sort de la personne. Comment doit-il faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais tes ablutions et fais le nadh, donc de ton organe sexuel. Rawahu Muslim, rapporté par Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam ici a ordonné de faire le nadh, donc de l'organe hein, qui a donc été maintenant imprégné de Mehdi. Il n'a pas ordonné le lavage. Et ce hadith, Ali radiallahu anhu, il a envoyé le miqdad parce que c'était son cas à lui. Dans d'autres versions, il dit « Kuntu rajulun madda'an ». J'étais un homme qui avait beaucoup de sorties de mehdi, de liquide pré-éjaculatoire. Et j'ai eu honte d'aller questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison hein, de la position qu'a sa fille auprès de moi. Parce que Ali était le mari de Fatima. Ça prouve que les salafs avaient de la pudeur. Et que quand il pouvait aussi arriver à la science, sans se mettre dans une situation de gêne, il le faisait. Bien sûr, s'il n'y avait personne pour poser la question, Ali ne serait pas resté dans l'ignorance de ce point-là. Et par pudeur, ne serait pas allé voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Non, c'est très bien qu'il serait allé le voir. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Mais il a pu avoir un intermédiaire entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il n'a pas voulu aller voir le prophète, alayhi salatu wassalam, ayant ici la position du beau-fils. Ali étant donc son gendre et le prophète alayhi salatu wassalam étant son beau-père dans ce cas-là, par rapport à ce point-là, il a éprouvé de la pudeur. Il a éprouvé de la pudeur. Et ça doit être le cas des musulmans de manière générale. Donc on ne doit pas dire au nom du halal, du haram, la haya'a fi din, comme disent certains. Non, hada kalamun batil. Beaucoup disent la haya'a fi din, il n'y a pas de pudeur dans la religion par rapport au questionnement. Questionne comme tu veux, ce que tu veux, c'est le din. C'est le halal haram, il faut que tu saches hein, les statuts de toutes choses. Alors pose des questions comme tu veux à ton père, le fils. Pose toutes questions possibles à son père, la fille à sa mère. Et ainsi de suite, on pose toutes questions de quelque manière que ce soit, qui que ce soit, non. Parfois quand on peut avoir un intermédiaire et ce charisme qu'a le père devant le fils parfois ou la mère devant la fille, il faut que les enfants le préservent et qu'il soit respecté. Donc effectivement on peut entrer dans des détails et expliquer certaines notions en lien avec notre din, mais les enfants parfois quand ils peuvent avoir un intermédiaire et que certaines questions sont des choses qu'on n'ose pas parfois demander, il est permis, il est même bien comme l'a fait Ali radiyallahu anhu, d'utiliser cet intermédiaire. Wallahu a'lam. Donc aucun extrémisme, dans le sens linguistique et non pas médiatique, pas de ce côté-là, feu vert à toutes les questions à n'importe qui, comme on veut, c'est la religion, donc je pose toutes questions à mon père, ma mère, à n'importe qui, ou bien l'autre extrême, qui consiste, au nom de la pudeur que prône la religion, de rester dans son coin, de ne poser aucune question. Donc le Mehdi, selon certains savants, il suffit pour l'enlever de faire le nadh. Mais Allahu a'lam, il est obligatoire de le laver, car dans une version d'Al-Bukhari Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Tawadda waghsil farjak ». Fais tes ablutions et lave donc ton organe génital, ton organe sexuel. Donc le nadh évoqué dans la version de Muslim, il est interprété par le rusl. C'est en réalité le rusl qui est cité dans la version de Al-Bukhari et Muslim. Et le peu de Mehdi est pardonné. Le cheikh dit que le peu de Mehdi est pardonné. Donc s'il y a un petit peu de Mehdi, et qu'est-ce que le Mehdi? Qu'est-ce que le peu de Mehdi, pardon? C'est la petite quantité qui n'est pas reconnue comme étant importante par le commun des gens. Donc cette petite quantité, si jamais elle est présente dans le vêtement, elle est pardonnée, selon l'imam Ibn Qudama, rahimahullah. Elle est pardonnée. C'est-à-dire que si tu fais ta prière avec un vêtement où il y a un peu de Mehdi, là, ben, c'est pas grave. Bien si un endroit de prière, il y a un petit peu de Mehdi, là, ben, c'est quelque chose qui est pardonné, Inch'Allah. Mais le plus authentique, c'est que ce n'est pas pardonné. Et le peu qui est pardonné, c'est le peu de sang, comme on va le voir. Mais le peu de Mehdi n'est pas pardonné, donc on reste selon la base qu'il faut le laver. Wallahu a'lam. Donc qu'est-ce que Al-Mahdi? Il faut quand même que l'on explique qu'est-ce que Al-Mahdi. بالعربية المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة ولا دفق عند الشهوة الصغرى. Qu'est-ce que Al-Mahdi? C'est un liquide blanc qui est fin, donc il va se différencier du sperme qui est ralide, comme on va le voir. C'est un liquide qui est blanc, qui est fin, qui est collant, qui colle. Donc lorsque on le prend, ça colle dans les doigts. Yakhruju bila shahwa, qui sort sans plaisir. Donc on ne le sent pas quand il sort, le Mehdi, contrairement au sperme, au Mehdi. Wala dafaq, et il ne sort pas par écoulement successif, comme c'est le cas du sperme à la base de manière générale, sauf maladie ou autre, comme on va le voir. Inda shahwati sughra, lors du petit plaisir. Donc c'est pour ça qu'on a dit pré-éjaculatoire, il sort souvent lors des prémices, des touchés, etc., qu'ont l'homme et la femme entre eux. Le Mehdi, donc le liquide préjaculatoire, sort à ce moment-là. Et l'homme ne le ressent pas. L'homme ne le ressent pas. Et la femme aussi a ce liquide-là. La femme aussi a ce liquide-là, comme on verra, et aussi El Mehdi, le sperme aussi, comme on le verra. Wal-ilmu indallah. Donc ce liquide là doit être lavé, et le peu de liquide, donc la petite quantité présente sur un vêtement ou autre, n'est pas pardonné, il faut obligatoirement la laver. Wal-ilmu indallah. Wa yu'fa an yasirihi wa yasir ad-dam, et le peu de sang est pardonné, le cheikh dit. Sur quoi se basent les savants disant que le peu de sang est pardonné? D'abord, avant de dire que le peu de sang est pardonné, il faut prouver que le sang est impur. Il faut prouver que le sang est impur. Et la preuve que le sang est impur, que le dam al-masfouh, le sang qui coule, le sang en grande quantité est impur, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé comme interdit pour quelqu'un donc qui mange, si ce n'est donc la bête morte, ou bien de l'eau, ou bien du sang masfouh, on va voir ce que c'est que al-masfouh, ou bien de la viande de porc, car c'est une impureté. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé le sang masfouh comme étant impur. Qu'est-ce que masfouh? C'est le sang qui coule dans la langue arabe. Dans la langue arabe, c'est le sang donc qui coule. Et le masfouh dans le sens législatif, c'est le sang qui est donc en grande quantité. Qui est en grande quantité. Comment est-ce qu'on va caractériser la grande quantité? C'est lorsque le sang coule, effectivement. Lorsqu'il coule. Donc, lorsqu'il y a du sang qui coule, égorgement d'une bête, par exemple. Lorsque une bête est égorgée. Ce sang qui coule là, C'est un sang qui est impur. Lorsqu'il y a, même dans un humain, quelqu'un s'est coupé le doigt, que le sang coule, ce sang qui coule est impur. Mais le sang qui reste, après dans la bête par exemple, lorsqu'on égorge un mouton, le sang qui reste ensuite, donc dans la viande, n'est pas impur. N'est pas impur selon le consensus des savants. Et le sang donc qui sort, mais qui ne coule pas, celui-là, il n'est pas impur. Il n'est pas impur, ou plutôt il est ma'fou, il est pardonné. Il est pardonné. Pourquoi ? Parce que la sharia, on a dit, elle appelle à la facilité. Et les gens peuvent avoir des boutons, un bouton dans le dos, et le simple frottement au t-shirt va faire que le bouton va se crever, qu'un peu de sang va sortir. Si quelqu'un enlève son t-shirt et voit une gouttelette de sang, comme ça, dans son t-shirt, est-ce qu'il est obligé de le laver ? Refaire sa prière qu'il avait fait avec ce t-shirt-là, par exemple ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est pardonné. Car ce n'est pas un sang qui est mesfouh, ce n'est pas un sang qui coule, donc il n'entre pas dans le sang qui a été caractérisé, cité dans Surat Al-Ma'ida, dans le verset de Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que le sang est impur, mais il n'a pas dit le sang de manière totale, il a dit mesfouh. Le sang qui est mesfouh, c'est celui qui coule, qui est abondant. Donc la différenciation entre le peu de sang et beaucoup de sang, elle se fait par Al-Urf. Par ce qui est reconnu comme tel. C'est-à-dire ce que les gens, de manière générale, pensent être une petite quantité, une goutte, deux, trois, un petit peu l'équivalent de quelques petites gouttes, ça c'est quelque chose qui est pardonné. Ce que les gens voient comme étant une petite quantité de manière générale. Et on sort deux extrémistes dans le sens linguistique et non pas médiatique. Le premier extrémiste, c'est le boucher, lui il est en contact continuel avec le sang. Donc lui peut avoir des litres, pour lui c'est pas grand chose. Donc lui on le prend pas comme critère. Le boucher, celui qui fait le hajjem, celui qui fait les hijama, lui il est en contact avec le sang toute la journée aussi. Donc il a une certaine familiarisation au sang qui fait qu'on ne prend pas en compte sa jauge et son curseur par rapport au peu de sang ou beaucoup de sang. Et on sort un autre extrémiste, c'est celui qui a une phobie du sang. Il voit deux gouttes, il tombe dans les pommes entre guillemets, quand il voit un petit peu de sang, il est en panique, il prend une crise, lui c'est pareil, lui il verra toujours beaucoup de sang. Donc ceux qui sont en contact avec le sang de manière continuelle, ils voient toujours peu de sang, et les autres qui sont qui ont une phobie du sang voient toujours beaucoup de sang. Donc ces deux catégories extrême, on les sort, et on parle donc du commun des gens. Donc le peu de sang est pardonné. Comment est-ce que, quelle est la preuve que le peu de sang est pardonné? Qui peut me le dire? Par rapport à quel verset? Verset de Surat, voilà, le verset de Surat Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié quel sang comme étant impur? Le sang qui coule. Voilà, le sang qui coule. Donc le sang qui a un peu de quantité qui ne coule pas. Et d'ailleurs, les deux, trois gouttes, elles ne coulent pas. Mais lorsqu'il y a écoulement du sang, là on sort du petit sang, donc il faut obligatoirement le laver. Et de même, donc ce qui découle du sang, comme le pus, et les autres matières, donc, qui sont des ramifications du sang, qui en découlent, qui en naissent, il y a aussi, inshallah, pardon, donc du peu de pus. Quelqu'un qui a une blessure, un pansement, et cette blessure-là, désormais, elle fait sortir du pus. Et il y a un peu de pus qui est venu se coller à son pantalon, son camis. Est-ce qu'il est obligé de laver donc ce pus-là? Est-ce qu'il peut faire la prière avec cette petite quantité? Oui. Si c'est une grosse quantité, que ça a pris un gros volume, et donc la grande quantité, elle revient au commun des gens, en sortant les extrêmes. Donc s'il y a une quantité faible, il peut, inshallah, prier dans ce vêtement-là. Il n'est pas obligé de le laver, c'est pardonné, bi-iznillah. Et il dit, donc, la petite quantité, c'est ce qui n'est pas donc exagéré par rapport à la personne. C'est ce qui n'est pas vraiment important. Donc, il différencie la petite quantité de la grande en prenant le critère donc qu'on a adopté, qui est le sien. Et le sperme humain. Et l'urine de ce dont on mange la viande est tahir, est pur. Donc le sperme de l'être humain est pur. Qu'est-ce que le sperme? Wa ma'un abyadu sakhinun fi haqqi ar-rijal. أصفر الرقيق أصفر رقيق في حق المرأة يخرج دفقا بلذة عند الشهوة الكبرى ورائحته رائحة العجين. Donc le sperme, c'est un liquide blanc épais concernant l'homme, jaune fin concernant la femme, qui sort donc par écoulement successif avec plaisir lors du grand plaisir. Et son odeur est l'odeur de la pâte. Donc l'homme possède un sperme, quel est-il ? C'est un liquide blanc, épais, qui sort par giclement successif et avec plaisir. Lorsqu'il y a sorti de ce liquide, à la base il y a plaisir, lors du grand plaisir. Du grand plaisir. Et pour la femme, il est jaune et il est fin. Et il est pur selon l'avis le plus authentique, wallahu a'lam, c'est l'avis majoritaire selon lequel il est pur. Quelle est la preuve de la pureté du sperme ? An Aisha radhiyallahu anha qalat, elle a dit laqad ra'aytuni wa inni la ahukkuhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yabisan bi dhufri, rawahu Muslim. Elle dit je me suis vu frotter donc le sperme du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sec avec mon ongle. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc Aisha enlever le sperme du prophète alayhi salatu wassalam de ses vêtements lorsqu'il était sec, simplement en le frottant avec son ongle. Et dans un hadith, un homme est venu donc dormir chez Aïcha radiallahu anha et un vêtement lui a été prêté. Et cette personne a eu une éjaculation la nuit et il a lavé donc à l'eau de manière abondante ce vêtement. Et Aïcha donc elle s'est mise en colère et a fait le reproche à cette personne-là et elle a dit لِمَا أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا. Pourquoi est-ce qu'il a donc abîmé notre vêtement ? إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرِكَهُ أَوْ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ فَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ. Il lui suffisait pourtant donc de le gratter avec ses doigts, car je le grattais du vêtement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec mes doigts. Wa 'inda al-Bayhaqi wa ghayrihi 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Ibn Abbas idhan hadha laysa hadith lin-nabi 'alayhi salatu wa salam innama huwa bi manzilati al-mukhati yakfika an tunahhihi bi idkhirah. Donc chez al-Bayhaqi et d'autres, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit il est du niveau, donc il est équivalent à la morve, donc à ce qui sort du nez. Il te suffit de l'enlever avec une branche. Al-Idkhira, c'est une branche d'un arbre qui sent bon, qui a des feuilles qui sent bon. Abdullah ibn Abbas, donc ce n'est pas un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il dit c'est équivalent à la morve. Il te suffit donc de l'enlever avec une branche en le frottant. Et la base dans le lavage, c'est le lavage à l'eau. C'est le lavage à l'eau. Donc s'il y a permission de frotter à l'ongle, c'est que Allahu a'lam, ce n'est pas une impureté, notamment la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui était un des grands faqih, un des grands savants des compagnons, confirme cela. Wallahu a'lam, est la vie selon laquelle il est najis existe, mais il est minoritaire, c'est la vie des malikites. Mais la majorité aujourd'hui, notamment écrasant, disent que le sperme est pur. Wallahu a'lam. Wa bawlu ma yu'kalu lahmuhu tahirun, fini. Et la viande et l'urine de ceux dont on mange la viande est pure. Donc l'urine des animaux dont on peut manger la viande, elle est pure. L'urine des chameaux, l'urine des moutons, l'urine du cheval, hein, l'urine de ces animaux-là, elle est pure, Inch'Allah. Quelle est la preuve de cela ? C'est le hadith des Uraniyin que l'on va citer. Je le cite en arabe. An Anas radiyallahu an. Qala qadima rahtun min uklin. Ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kanu fi s-suffa. فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا أي لبنا كثيرا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا متفق عليه. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Anas radiallahu anhu dit, un groupe de personnes, un rahat, donc un rahat c'est environ, c'est de 3 à 10 personnes, un groupe de personnes de Uql est venu auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils étaient avec les gens de la Sofa, les pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont été mis avec ces personnes-là. Et ils n'ont pas supporté donc la dureté de Médine. Médine est une ville difficile, il y a des hadiths par rapport à cela, dans laquelle il y a... on tombe rapidement malade et le prophète alayhi salatu wa sallam a exhorté à patienter par rapport à cela. Et ils n'ont pas donc supporté Médine et ils sont tombés malades. Ils ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, donne-nous donc du lait de manière abondante. Il a dit, je ne vois pour vous que le fait que vous alliez donc auprès des chameaux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il parle donc de ces chameaux à lui qui étaient les chameaux de la sadaqa. Il y a plusieurs versions de ce hadith-là. Dans d'autres versions, c'est les chameaux de la sadaqa. Donc, ils sont allés auprès de ces chameaux-là et ils buvaient du lait de ces chameaux et de l'urine de ces chameaux. Ils buvaient du lait de ces chameaux et de l'urine de ces chameaux. Et il y avait avec eux donc un berger. Le prophète A.S.A.T.S.A.L.A.M. avait mis avec ces personnes-là un berger s'occupant des chameaux. Hatta sahou asamino, jusqu'à ce qu'ils sont, ils ont été guéris, ils ont retrouvé leur bonne santé et ils ont même grossi, ils ont été engraissés. Et ils ont tué le berger. Et dans d'autres versions, ils ont apostasié. Et ils ont pris les chameaux. Ils ont commencé à marcher. Ils sont partis. Ils les ont volés. Donc, As-Sarir, celui qui est l'appeleur, le crieur est venu auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, annonçant donc cette nouvelle-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé des compagnons donc les rechercher. Et ils ont été attrapés avant que le jour ne se lève beaucoup. Et il a ordonné qu'on apporte des clous qui ont été donc chauffés au feu et il leur a crevé les yeux. Et on leur a coupé les mains et les pieds. Et il n'a pas donc cutérisé leurs blessures. Car normalement, le sariq, le voleur, en islam, lorsqu'il vole, comme vous savez, on lui coupe la main. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Et les fuqaha ont montré... Il n'y a pas de divergence à ce niveau-là, qu'il faut obligatoirement cutériser la blessure. Après, il y a différentes manières. Hein, souvent, dans les siècles précédents, ils mettaient de l'huile bouillante et lui trempaient le poignet dans l'huile bouillante afin que soient cutérisées les veines. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé le sang couler de manière volontaire pour les faire souffrir. Summa ulquf il harra, ils ont été ensuite jetés donc dans le désert. Yastasqoun, ils demandaient à boire. Famasuqu, on leur donna pas à boire. Hatta matu, jusqu'à ce qu'ils moururent. Le hadith est dans Al-Bukhari ou Muslim. Donc, quel est le dalil concernant que l'urine de ceux dont on peut manger la viande est pure? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a ordonné de boire l'urine des chameaux. Et la nourriture est obligatoirement tahira, est obligatoirement pure. Il est interdit de se nourrir d'une impureté, de quelque chose de najis. Donc, s'il leur a été permis de boire l'urine des chameaux, c'est que l'urine des chameaux est pure. Dans un autre hadith, an Abi Hurayrah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sallu fi marabid al-ghanam, wa la tusallu fi a'tani al-ibil, rawahu al-Tirmidhi. Abu Hurayrah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez dans les bergeries de moutons et ne priez pas dans les étables de chameaux. Et le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi, il est authentique. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a permis de prier dans les bergeries, sachant que les moutons, c'est sûr et certain, urinent. C'est sûr et certain. En revanche, il a interdit de prier dans donc les étables où les chameaux se trouvent, pas parce que leur urine est impure. Quelle est la preuve que ce n'est pas parce que leur urine est impure? Parce qu'il avait ordonné dans le hadith précédent de boire l'urine. Donc il ne peut pas y avoir contradiction. Mais c'est pour d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons. Certains disent que parce qu'ils sont créés des shayatines, ils ont un comportement de shayatine. Ce sont des bêtes qui sont très furieuses et qui paniquent rapidement. Donc le fait de voir une personne en ruku, sujoud, fait qu'il peut être blessé. Si les chameaux sont en panique, ils peuvent le frapper ou autre. Etc. Il y a plusieurs raisons citées par les fuqaha. Je ne m'allonge pas. Inch'Allah. Donc, le sperme humain ainsi que l'urine de ceux dont on mange la viande est pure. Donc là, l'urine du mouton, c'est pur ou impur? Mais c'est pur. Hein? L'urine de la poule, pur. L'urine du chien. Impur. C'est impur. On ne mange pas le chien, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.